Voilà, sur le sentier à Vézonne. T'entends ton maître? Ben oui. Oui, il est perdu. T'es perdu ou quoi? Tu l'as semé? Hein? Ah, bonjour. Bonjour. Vous risquez rien. Ouais, c'est un évrier, donc je pense que... Je crois qu'on s'est trompé.